sa main glissée. Y aller. Les rats vont bientôt arriver. Oh, je sais que... Mais il faut y aller. Oui, il faut y aller. Bouze, non ! Bouze, non ! Vous trois, vous défierez les rats. Vous trois aurez seule conscience du drame qui va se jouer. Vous trois, seuls, aurez le courage d'affronter le commande. Vite, quoi ? J'ai mal aux pieds, ça fait 2 heures qu'on marche. Et en plus, j'ai plus de souffle et il fait froid. Et puis aussi, je suis fatiguée et puis... J'ai peur, c'est ça ? T'as peur ? Moi aussi, j'ai peur. Et moi aussi, j'ai froid et je suis fatiguée. Et moi aussi, je... Squeak ! Calme-toi, calme. Non ! Mila a voulu poser ses mains sur mon épaule. Je l'ai repoussée violemment, elle est tombée sur le sol, parmi les grandes tiges vertes. Disparu les rêves d'un monde nouveau. Disparu les espoirs. Booz était mort, il était... Squeak, regarde-toi ! Elle avait peur. Pas du nouveau monde. Pas des rats qui devaient nous poursuivre en sortant du grand trou. Pas de ces grands pylônes sombres qui s'élevaient jusqu'au grand plafond lumineux. Elle avait peur de moi. Je suis tombé à genoux. La terre était si humide et ces milliers d'odeurs. Cet air si agressif. Ce vide parmi toutes ces excroissances. Ici, rien ne tombait du grand plafond. Tout s'élevait. Rien ne chutait. Bouze. On a dû semer les rats, non ? Je sais même plus où est le grand trou. Peu importe, on peut pas revenir à Wish City, on a bloqué toute la galerie, tu te souviens ? Je me rappelle, Squeak, j'étais avec toi, moi aussi j'étais là, t'es pas tout seul. Quoi Mila, hein ? C'est mon ami, vous auriez jamais dû venir avec moi, y'a que moi qui devais rester bloqué dans le grand trou, que moi ! J'ai froid, il fait si froid ici, moi je veux rentrer chez moi, je veux retourner au palais, je veux revoir mon père, ma servante, et puis dormir dans mon lit, et puis regarder Wish TV, et puis... Mila a rabattu ses jambes contre elle, cachant sa tête entre ses genoux. Tout s'était passé si vite, et c'était seulement à ce moment-là, au beau milieu de... d'on ne savait quoi, dans le nouveau monde, le monde au-dessus du nôtre, que nous nous rendions compte de la situation. Nous étions seuls, dans un monde inconnu, sans espoir aucun de revenir à Wish City. Sans espoir aucun. Sans savoir où aller. Mila ? Laisse-moi, je suis fatiguée ! Je me suis levée. Ses grandes tiges sombres paraissaient souples, elles allaient en s'affinant. J'en pris une à la base et d'un coup sec l'ai cassée. J'ai rejoint Mila. Tiens, t'auras plus chaud avec ça. J'ai plié la tige autour d'elle. Elle ne dit rien. En 2 heures, les grandes torches s'étaient déplacées. Je regrettais les galeries. Ici, les pylônes, les tiges, les mousses s'étendaient à l'infini. Et tout était si bruyant. Nous avons dû dormir de bonnes heures. Lorsque j'ai ouvert les yeux, tout me semblait plus clair. J'ai levé la tête. Les torches avaient encore bougé, toutes dans la même direction, comme fuyant un filet bleu clair, et derrière, il y avait comme du feu au loin. Mila, réveille-toi. Réveille-toi, Mila. Le petit déjeuner est servi. Elle a levé la tête, le regarde dans le vague. Son visage s'est crispé. Elle revenait à la dure réalité. Allez, viens, continue à marcher dans l'autre sens. On dirait qu'il y a du feu là-bas. Mais, Squeak, attends. Je me levais. Squeak, tu veux aller où comme ça ? On sait même pas où on est. Et toi, tu veux faire quoi, hein ? Rester ici à attendre que les rats nous retrouvent ? Ou pire encore, on sait même pas ce qui vit ici. Mais peut-être qu'il y a des bifouiches aussi ici. J'ai soutenu le regard triste de Mila. On est les seuls, Mila. On est les seuls bifouiches ici. Tu veux aller où ? Où voulais-je aller ? Au grand trou. Peut-être que Booz est pas mort, peut-être qu'il... J'y croyais pas et pourtant... Mila s'est levée. Squeak, Booz est mort. Tu m'entends ? Il est mort. Ça ne servirait à rien de retourner là-bas si ce n'est tomber dans la gueule des rats. Ouais, c'est ça. Eh bien tant pis. Qu'ils nous bouffent, les rats, rien à foutre. On a sauvé Wish City. La belle affaire. Regarde où ça nous mène, tant d'altruisme, tant de générosité, de bonté. On fait quoi, là, hein? On est quoi, ici? La race la plus intelligente, la plus élaborée? Tu sais faire du feu, ici? Y a pas de lave, y a rien. Pas de quoi faire un générateur pour l'électricité, pas de ville, pas de peuple, rien. On est seul. Pour toujours, on est seul. J'ai voulu venir ici parce que j'étais rien qu'un creuseur, que personne se foutait de ce que je pensais, comme des milliers d'autres creuseurs. Parce que de toute façon, une princesse aurait jamais pu aimer un creuseur, et que je voulais un monde où il y a enfin autre chose. De l'imprévu, de... Que tout soit pas déjà décidé. Mais rien n'est comme je l'avais imaginé, rien que... Je voulais pas que tu sois là, je voulais que tu restes la petite princesse que je pourrais jamais avoir et... Quick ! J'ai tourné le dos, filant entre les tiges. J'avais envie de me retrouver devant un rat, de me faire avaler, que tout s'arrête. Ma tête semblait éclater. J'étais si fatigué. J'abandonnais Mila, sans réellement m'en rendre compte. Ici, je n'avais plus de repères. Ici, je ne savais même plus qui j'étais. Dans le nouveau monde. Bye, friche.